Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Nous prions celui qui s'appelle le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Est-ce que tu sais que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom? La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Même les puissances sataniques, démoniaques, les puissances qui viennent te combattre la nuit, ils doivent fléchir. Elles fléchissent leurs genoux devant le nom de Jésus. N'aie pas peur. Réveille-toi, tu vas invoquer le nom de Jésus. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes dans notre temps de prière OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, 12 à 23. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 12. Or, l'on prêche que Christ est ressuscité des morts. Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Je voudrais partager avec vous trois grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité, la négation de la résurrection des morts est une erreur très grave. Vous voyez, pendant ce temps-là, à Corinthe, il y a des gens qui disaient que les morts ne vont pas ressusciter. Et l'apôtre Paul est en train de dénoncer cette erreur qui a des conséquences néfastes. Il dit, si les morts ne ressuscitent pas, il donne six conséquences logiques. Première conséquence, si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'est pas ressuscité. Deuxième conséquence, qui est une suite logique, si Christ n'est pas ressuscité, la prédication des apôtres ou de ceux qui prêchent est vaine. Parce que si nous prêchons l'évangile, nous prêchons parce que nous croyons que Jésus-Christ est sorti du tombeau, il est vivant et qu'il revient. Et troisième conséquence, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi, la foi de tous ceux qui croient en Jésus, est une foi vaine. Imaginez-vous, vous croyez en quelqu'un qui n'est pas ressuscité, vous croyez à quelqu'un qui est resté dans le tombeau, mais à quoi ça sert? La foi est vaine. La foi, c'est quoi? Une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi et l'espérance sont liées. Si nous avons la foi, parce que nous espérons que Christ reviendra, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel et il revient bientôt. Si nous disons que Christ n'est pas ressuscité, notre foi n'a pas de valeur, n'a pas de sens. Quatrième conséquence de cette négation, les apôtres sont des faux témoins. Les apôtres et tous ceux qui prêchent l'évangile, ce sont des faux témoins. Vous voyez, les apôtres, c'est eux qui ont vécu avec Jésus. Et la Bible nous dit que quand Christ est ressuscité, il est apparu aux apôtres. y compris à Paul, comme un avorton, et c'est en tant que témoin de la résurrection qu'il proclame l'évangile. Alors, si nous affirmons que Christ n'est pas ressuscité, ceci revient à dire que les apôtres annoncent le mensonge. Donc, ils sont des faux témoins. Cinquième conséquence de cette négation de la résurrection, nous sommes encore dans nos péchés. Ça veut dire que si nous avons cru en Jésus-Christ, si Christ n'est pas ressuscité, le pardon du péché n'est pas possible. Ça veut dire que nous sommes encore dans nos péchés. Nous sommes pécheurs. La Bible nous dit que Christ est ressuscité pour notre justification. C'est la résurrection qui couronne l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Et dernière conséquence, ceux qui sont morts sont perdus. Si Jésus n'est pas ressuscité, si quelqu'un meurt, ça veut dire qu'il n'a pas d'avenir, parce qu'il n'y a pas de résurrection. Donc si quelqu'un meurt, même en Christ, il est perdu, parce qu'il n'y a pas d'espérance, il n'y a plus de vie après la mort, ce qui est faux bien sûr. Vous voyez la conséquence ou les conséquences de la négation de la résurrection. De la résurrection des morts et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous savons que la résurrection de Christ est au centre du christianisme. Nous affirmons que Christ est mort sur la croix de Golgotha. Il était enseveli, mais le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Deuxième grande vérité, notre espérance en Christ ne doit pas se limiter seulement à cette vie. Vous voyez, le verset 19 dit ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je veux parler à quelqu'un, mon ami. Ton espérance ne doit pas se limiter seulement aux aspects terrestres. Ton espérance en Christ ne doit pas se limiter au mariage. Il y a des gens, ils viennent à Christ, ils viennent à l'église, c'est juste pour le mariage. Je cherche un mari, je cherche une femme. Même quand on prêche l'évangile, ça ne concerne pas. Ils ne sont même pas préoccupés. C'est le mariage. Je veux le mariage. Mon ami, si c'est seulement pour le mariage que tu suis Jésus, tu es le plus malheureux. Si c'est seulement pour avoir un visa, pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada, pour aller en France, pour aller à Londres, que tu espères en Christ, que tu viens à l'église, que tu t'es donné à Jésus, tu es le plus malheureux. Si c'est seulement pour avoir un terrain, si c'est seulement pour acheter une voiture, pour avoir les avantages de ce monde, que tu es venu à Jésus, tu es le plus malheureux. Notre espérance doit aller au-delà des choses terrestres. C'est vrai que quand nous venons à Jésus, il nous bénit. Il nous bénit matériellement. Mais notre espérance ne se limite pas à ces choses-là. Ce qui fait que, même quand je peux être dans une difficulté, je ne peux pas rétrograder. Je vais parler à une sœur. Pourquoi tu rétrogrades? Parce qu'un garçon t'a promis le mariage et le garçon t'a laissé. Et tu ne veux même plus prier. Tu ne veux même plus aller à l'église. Non! Ça veut dire que ton espérance en Christ ne se limite qu'aux choses terrestres. Mais nous savons qu'au-delà du terrestre, il y a le céleste, il y a l'avenir, il y a une vie après la mort. Et c'est ça notre espérance vivante. Nous savons que après la mort, nous allons passer l'éternité avec Christ. Il reviendra, il va nous prendre, nous ressusciterons avec lui et nous régnerons avec lui. Troisième vérité, la résurrection de Christ annonce notre résurrection. Si nous, en tant que chrétiens, nous avons l'espérance que nous allons ressusciter, c'est parce que Christ nous a précédés. C'est pourquoi on parle des prémices. La résurrection de Jésus, c'est comme des prémices. C'est-à-dire, il est le premier à ressusciter comme il nous a représenté en tant qu'homme. Il est ressuscité. C'est pour dire que nous ressusciterons aussi avec lui. Écoutez ce que Paul dit au verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Mon frère, tu dois placer ta foi en la résurrection. C'est pourquoi lorsque tu as perdu un parent, tu as perdu un être cher, si la personne a cru en Jésus-Christ, tu dois avoir l'espérance de la retrouver dans l'au-delà. parce que tu vas te retrouver avec la personne dans la félicité éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, croyons à la résurrection des morts. Croyons parce que Christ est ressuscité des morts. Et si Christ est ressuscité, nous ressusciterons aussi avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter ce cantique. Incomparable, tiens, Dieu, miracle. Alléluia. Notre Dieu est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être loué. Élevons ensemble nos voix et bénissons son saint nom. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est produite à partir d'Abidjan sur la radio nationale des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, la radio Fréquence Vie. Nous saluons tous ceux qui reçoivent OSB par notre site web ou par WhatsApp. Partagez OSB avec des amis partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 23. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui nient la résurrection des morts, pour tous ceux qui n'ont même plus d'espérance, pour tous ceux qui affirment que Christ n'est pas ressuscité. Prions le Seigneur afin qu'ils puissent rejeter leurs erreurs et qui se tournent vers Christ. Et prions pour les chrétiens qui n'ont pas l'espérance, afin qu'ils croient en la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous te bénissons, Père éternel, nous te glorifions et nous te magnifions. Nous avons la joie ce matin lorsque nous invoquons ton nom à notre réveil, parce que nous savons que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Nous prions ce matin, ô Père éternel, pour tous ceux qui nient la résurrection de Jésus-Christ, pour tous ceux qui n'ont plus d'espérance, pour tous ceux qui s'attachent à des idoles vaines. Nous demandons, Père, que tu te manifestes véritablement dans leur vie, parce que la résurrection de Jésus-Christ est le fondement de notre foi chrétienne. La résurrection de Jésus-Christ est le socle de notre espérance vivante, de notre espérance en la vie éternelle. Nous prions contre tout aveuglement spirituel. Nous déclarons que tout voile, toute couverture qui empêche tes fils et tes filles de reconnaître la puissance de résurrection de Jésus-Christ soit ôtée. Nous prions contre tous ceux qui ont abandonné toute forme d'espérance. Ton espérance, ô Père éternel, ne sera jamais anéantie. Manifeste-toi dans leur vie par ton Esprit Saint. Que tous ceux qui prêchent un autre évangile, que leur message ne soit pas suivi par les enfants de Dieu. Nous disons merci, Père, parce que nous avons la foi, nous avons l'assurance que ton espérance est une espérance vivante et que la résurrection de ton Fils Jésus-Christ est une réalité. C'est en son nom que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que notre espérance en Christ ne doit pas se limiter seulement à cette vie terrestre. Nous allons prier le Seigneur Il y a ceux qui sont découragés parce qu'ils demandent au Seigneur de les bénir, de leur donner un mari, de leur donner une femme, de leur donner l'emploi. Ils demandent au Seigneur d'ouvrir une porte pour qu'ils puissent voyager et que les voyages tardent. Il y a des gens qui sont découragés. Nous allons prier pour que Dieu fortifie leur foi afin qu'au-delà du matériel, au-delà du terrestre, il voit aussi l'éternité, qu'il soit fortifié dans la foi, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Ce matin, notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants envers toi parce que la vie vient de toi, la grâce vient de toi, le pardon vient de toi. Merci ce matin parce que ta parole nous dit à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme, de chercher premièrement le royaume des cieux et toutes choses nous seront données par-dessus. Ce matin, nous voulons te prier. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont prié pour le mariage. Mais Seigneur, tu as répondu. Mais ils sont découragés. Ils ont prié pour avoir des enfants. Ils ont prié pour avoir le visa. Prié pour avoir un travail. Prié pour avoir la guérison d'une maladie. Prié pour avoir le succès. Et Seigneur, ce que nous devons savoir, c'est que tu réponds tous les jours. Par rapport à cette réponse qui est non. Mais ils sont désespérés. Ils sont découragés. Ils ne veulent même plus prier. Ils ne veulent plus lire la parole de Dieu. Ils se sont lancés dans la boisson. Ils ont abandonné le chemin de l'assemblée des enfants de Dieu. Nous voulons te prier ce matin pour que leur foi soit fortifiée. Leur foi, Seigneur, ne s'éteigne pas, notre Dieu. Qu'ils ne cessent pas de pouvoir espérer en toi. Nous prions ce matin pour ces frères. Soutiens-les, fortifie-les, ramène-les à toi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir que la résurrection de Christ annonce notre résurrection. Nous ressusciterons aussi avec lui. Que chacun prie pour dire, Seigneur, aide-moi à avoir cette espérance que je ressusciterai avec toi et que je vivrai éternellement avec toi. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Dieu éternellement bon ce matin, merci parce que tu as encore renouvelé tes bontés à notre égard. Tu as encore manifesté tes compassions à notre égard. Tu es un bon Père, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ton nom est Shiloh, ton nom est le Dieu qui fait et qui fera encore des miracles, des signes, des prodiges dans nos vies. Tu n'as cessé de nous bénir, tu n'as cessé encore une fois de plus de manifester la puissance de ton nom dans notre vie. Tu es mort, bien plus, tu es ressuscité. Et en cet instant, en tant que fils, en tant que fille du royaume, en tant que racheté, oui, nous avons l'assurance que nous aussi, nous serons ressuscités avec toi. Parce que ta parole est digne, elle est certaine d'être reçue. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Nous avons la foi que si nous demeurons en toi, que si nous marchons avec toi, que si nous vivons pour toi, que si nous marchons avec toi, que nous faisons ce que tu nous commandes de faire chaque jour, nous serons aussi ressuscités avec toi. Cette espérance, nul ne peut nous l'enlever. Nous croyons en toi, nous croyons à l'évangile, nous croyons à ta parole, parce que tu es Dieu, parce que tu es vrai, parce que tu es unique. Merci pour l'esprit de la résurrection qui nous maintient dans la foi chrétienne, qui nous maintient dans ta grâce. Merci Seigneur, parce que tout ce qui est mort à nous est ressuscité. Nos familles ressuscitent dans la paix, dans la joie. Tout ce qui n'existe pas vient à l'existence. Et nous sommes heureux de ce que cette journée est bénie de toi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons prier pour proclamer la bénédiction de cette journée dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas suivre après moi cette parole. Seigneur Jésus-Christ, je proclame que tu es le roi des rois, que tu es le Seigneur des seigneurs. Je proclame que tu es ressuscité d'entre les morts. Au nom de Jésus, je proclame que tout ce qui est mort dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires, dans mes études, ressuscite au nom de Jésus. Je proclame que mes finances ressuscitent au nom de Jésus. Je proclame que mon mariage ressuscite au nom de Jésus. Je proclame que mon ministère ressuscite au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur toutes les puissants des ténèbres, sur tous les esprits des morts. Au nom de Jésus-Christ, je marcherai de gloire en gloire et de victoire en victoire pendant cette journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.